Je suis ta chose, ta petite chose, ton bout de chou, ton échymose. Tu me protèges, tu me défends. Je suis ton enfant, tu es ma maman. Je suis ta chose, ta petite chose, ton bout de chou, ton échymose. Tu me conseilles, tu fais des plans pour mon bonheur. Évidemment, j'avais pas vu ma vie comme ça. Mais toi, t'as toujours tout prévu. Tu sais bien mieux que moi ce qu'il me faut et ce que je dois faire. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est juste un peu plus d'air. Mais je suis ta chose, ta petite chose, ton bout de chou, ton échymose. Tu me bouscules un peu trop souvent. Mais dis-moi pourquoi tant de dévouement. Je suis ta chose. Ta petite chose, ton bout de chou, ton équipe.